As I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. 7 Destruction, Voivod, Slayer, Possessed, Celtic Frost, Metal Church, and more! Salut, Sylvain Latour ici à la barre de Subversion, édition du 27 novembre 2015. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui et la raison principale est que nous allons commémorer dans cette émission le 30e anniversaire d'un événement historique ici même à Montréal en ce qui a trait au métal extrême au niveau international et au niveau aussi du Québec. Le festival World War III qui se tenait le 30 novembre 1985 au Palladium. Donc ceux qui nous écoutent en balado-diffusion le lundi suivant, donc c'est aujourd'hui même. Festival qui regroupait évidemment 5 groupes, une affiche à faire rêver à l'époque, soit Nasty Savage, Possess, Destruction, Celtic Frost et Voivod. Donc pour englober tout ça dans la prochaine heure, on va entendre des témoignages. C'est ça, des souvenirs de témoins oculaires et auditifs de premier plan, à savoir des membres de Voivod, Outrage et Aggression et leur entourage. Extrait d'entrevue exclusive que j'ai réalisé moi-même pour dans le cadre d'un projet d'écriture axé sur l'anthologie du métal au Québec. Donc, on parle de Denis Bélanger, Snake, Michel Howey, Langevin, Maurice Rocker Richard, Johnny Hart, Denis Barthe d'Aggression, Alain Lefebvre de Outrage et Ron McGregor du magazine Pop Rock. Donc, à ne pas manquer dans la prochaine heure, on sait qu'en 1985, il y a eu plusieurs événements marquants ici à Montréal en ce qui a trait au métal. On pense principalement à l'événement Rock 85 au Salon de la Jeunesse, au Mercredi du Vieux-Port, et aussi au Festival Banzai, le Banzai Axe Fest, qui se produisait au Palladium également le 17 août 1985, organisé par Michel Mise et le Rock en Stock, et qui mettait en vedette Slayer, Metal Church, Exodus, Hollows Eve et Agent Steel. C'est avec deux groupes de cet événement-là qu'on va commencer l'émission. Deux groupes, deux pièces de deux bandes qui se sont produits au Banzai Fest, soit Metal Church, et mais avant Slayer, avec une pièce que j'aimais bien faire jouer à l'époque, à la belle époque des CIRC, la radio communautaire de Rouyn-Noranda, dans le cadre de l'émission Metal Militia, soit Hardening of the Arteries. Vous écoutez Subversion, le Metal Show, partout sur la planète.

formation de Seattle Metal Church avec Hitman qui figure sur leur album éponyme de 1984. Album vraiment unique, tant au niveau de la production que du matériel. Un incontournable décidément de cette époque. Album qui avait quand même vendu 70 000 copies indépendamment sous la bannière Ground Zero avant même d'être signé sur Elektra. Selon le chanteur et défunt ex-chanteur en fait de Metal Church, David Wayne, Lars Ulrich et James Hetfield de Metallica auraient fait pression sur Elektra pour signer le groupe avant qu'un autre compagnie le fasse. Ils avaient travaillé avec Terry Date qui a été responsable de bon nombre d'albums dans le monde du métal. On parle de Sanctuary, de Dream Theater, de The Accused, de Overkill, Pantera ou de même Dark Angel, assez tôt dans leur carrière respective. Donc, évidemment, Metal Church faisait partie de ce bill du Festival Banzai qui se tenait au Palladium le 17 août 1985, organisé par le Rock en Stock. Et parmi ceux-là, évidemment, avec les Exodus, Hallows Eve et Agent Steel, ces deux derniers remplaçaient Megadeth et Exciter qui n'avaient pu se présenter. Figurait aussi, évidemment, Slayer. Donc, on a entendu Hardening of the Arteries de l'album Hell Awaits de 1985, une pièce de Jeff Hanneman. L'album était paru donc en mars 85, quelques mois auparavant, et selon certains observateurs, ce fut le meilleur concert que Slayer ait donné à Montréal, du moins selon la perception de certains. Donc, comme je disais en début d'émission, 1985 aura été riche en événements ici à Montréal, en passant par le Rock 85 au Salon de la Jeunesse avec Voivode, les Mercredis du Vieux-Port avec de nombreux bands du Québec et de l'Ontario comme Sword, Anvil, DDT, Outrage, Aggression, Stormbringer, pour ne nommer que ceux-là. Et aussi le Festival World War III qui se déroulait en novembre. Donc, allons-y tout de suite avec ce spécial World War III, cet événement historique. Alors que se produisait le festival Banzai au Palladium en août, les productions Rock Attack, conjointement avec les productions Tellar, avaient déjà annoncé la venue d'un autre festival d'envergure, cette fois-ci avec des groupes phares du metal underground provenant de l'Europe, du Sud et de la côte ouest des États-Unis, le World War III. Affiché comme étant le festival international de heavy metal, avec les formations Nasty Savage de Floride, Possessed de Californie, Destruction de l'Allemagne, Celtic Frost de Suisse et les héros locaux en ascension, Voivode, à se produire au même Palladium le 30 novembre suivant. La nouvelle se propagea rapidement dans l'underground avec une affiche d'une telle envergure dans le contexte de l'époque que certains ont même cru qu'il s'agissait d'une blague. Même à Toronto, jusqu'à ce que les sources d'information officielles dans le domaine, comme le magasin Record Peddler ou l'émission Aggressive Rock à CKLN, Radio Campus de Ryerson University, confirment la nouvelle. La réalisation du projet fut considérée comme un véritable tour de force. Maurice Richard de Rock Attack, alors gérant de Voivode, s'inspire du phénomène que représente déjà son groupe dans le monde de l'underground en créant un événement d'envergure qui les amènera à un autre niveau et par le fait même contribuer au financement du second album du groupe à venir, soit Roar, paru au mois de mars suivant et produit avec Mike Hempstead à l'autre studio de Montréal, deux semaines avant la tenue du festival. Maurice compta fortement sur l'aide précieuse de Johnny Hart de Metal Co., sans qui le festival n'aurait jamais eu le même prestige. Fort de sa multitude de contacts établis avec les grands joueurs de l'underground à travers la planète, dont Andy Sigrist, le gérant de Celtic Frost, Johnny réussira à les convaincre de venir faire leur premier concert en sol nord-américain. Il se verra donc attribuer la tâche de direction artistique du festival avec la complicité des membres de Voivode. Nasty Savage de Brandon en Floride furent les premiers à monter sur scène devant une foule estimée à 3000 personnes. La bande de Ronnie Galetti, alias Nasty Ronnie, un lutteur semi-pro et éventuel gérant dans la IWF, s'amène avec un noyau de musiciens fort compétents qui interprètent 7 pièces de leur premier album éponyme paru à la fin août, ainsi que Unchained Angel de leur démo Wage of Mayhem et une nouvelle chanson qui allait devenir la pièce titre de leur album suivant, Indulgence. La performance est teintée de la saveur particulièrement sanglante de Nasty Ronnie, comme en témoignent Mike Amstad, ingénieur de son de Voivode, Alain Lefebvre de Outrage, également animateur et directeur de programmation à Sifu à Trois-Rivières, et Denis Sasquatch Bart de Aggression. Thank you very much. Welcome to World War III. This is Gladiator. Nasty Savage, funny, parce que le gars, c'est très gros, c'est comme un lutteur, you know. Il lance des télévisions sur sa tête, en stage. Sauf qu'il ne peut pas faire une tournée au complet comme ça, là, you know. Et toutes les bandes étaient bien tight. Il n'y avait pas une compétition mal ou something, mais bonne énergie. Ronnie, qui était tout coupé parce qu'il s'était, roulé dans la vitre, il pétait des télés. C'est un espèce de lutteur, ce gars-là. Il en fait des télés dans les airs, il faisait rebondir sur son torse, puis là, il cassait la tête, il se roulait là-dedans. Je me rappelle qu'il avait craché du feu aussi. C'était vraiment weird comme moment, c'était vraiment un freak show. Ça, je me suis fait des chums à vie avec ce spectacle-là. C'était vraiment absolument... c'était démesuré, là. Je pense que le premier band qui ouvrait le show, c'était Nasty Savage. Je me souviendrai tout le temps parce que... Pendant le show, le gars se tapait avec une poupée de métal dans le front, puis il se saignait, puis il se tirait des TB, puis tout. Puis Burn, le guitariste d'Aggression, il dit « Tabarnak, ça peut pas être une poupée en métal. » Tu sais, quand t'es allé voir backstage, on a touché la poupée en métal, c'était du gros métal forgé, là, tu sais. Quand tu t'assommerais, là, tu te frappais de même avec. Le plus drôle, après, eux autres, toutes ces bandes-là, ils dormaient sur Saint-Hubert, dans un petit hôtel, là, sur Saint-Hubert, entre Maisonneuve et Sainte-Catherine. Une fille qui était allée avec Nasty Ronnie là, passer la nuit, là, puis elle a crié toute la nuit. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, là, mais... We'll be right back. Savage avec No Sympathy qui ouvre de brillante façon l'album éponyme Nasty Savage paru le 30 août 1985, soit trois mois avant le festival, et le même jour que SOD Stormtroopers of Death, Speak English or Die, évidemment, rien de moins. La jeune formation Possessed, dont les membres fréquentent encore l'école secondaire de Pinal Valley en Californie, arrivent à Montréal sous la rigide supervision de leur gérante Debbie Abonneau, 56 ans, dont la présence est fortement remarquée. Ils passent rapidement d'un garage à San Francisco en 83 à l'avant-plan d'un nouveau mouvement en devenir, le death metal. Leur album révolutionnaire intitulé Seven Churches voit le jour sur Combat 6 semaines seulement avant le festival. Et en passant, Seven Churches deviendra le 66e disque licencié sous la bannière Banzai et devient rapidement un incontournable du metal underground. Donc, la majorité de l'auditoire ne s'attend pas à un discours musical aussi violent et une prestance aussi obscure, surtout du vocaliste et bassiste Jeff Becerra. Un set qui demeurera ancré dans les mémoires à plusieurs niveaux, comme en témoignent Denis Barthes, Michel Langevin, Alain Lefebvre et Ron McGregor. Ouais, comme je te dis, là, j'étais super impliqué dans le festival. J'ai pas joué, j'étais roadie pour Possess, mais j'étais là tout le temps, puis les bands étaient toujours chez nous. Puis en plus de ça, c'est là que j'ai rencontré Monty Connor de Roadrunner. Lui, il est venu chez nous avec Borivore Cregan de Blabbermouth. Ouais, puis Don Kay d'un magazine à New York. On a tous rencontré ces gens-là. Là, puis ça, c'est tout devenu des connexions là, à vie, tu sais. Je parle encore à Monty Connor, là, puis regarde, ça fait quoi, 26 ans de ça? Ah, moi, c'était Possessed. C'était le mosh pit le plus impressionnant que j'avais jamais vu. Le band était épatant. Il était plus jeune que nous autres encore. Puis les sécurités ne savaient plus quoi faire. C'était, on pensait que ça allait... notre gérant, entre autres, de l'époque, Maurice Richard, pensait que ça allait être un émeute. Puis ça s'enlignait pour ça, parce que les sécurités avaient des chandails jaunes, puis c'était marqué « accueil » dans leur dos, je me souviens. Ils se battaient avec les jeunes, puis ils ne savaient pas quoi faire. Puis là, on s'est dit « aïe, aïe, aïe, si l'émeute commence, ça veut dire que toutes les bandes après Possess, Celtic Frost, Voivode, ils ne pourront pas jouer, ça va être l'enfer. » Mais finalement, ça s'est calmé un peu. Puis ça s'est bien déroulé. Mais le bout mouvementé du spectacle, c'était la performance de Poisson. Puis c'était ça qu'on avait vécu. Je n'ai parlé encore il y a une couple de mois à Michel. Puis on ne devait pas être seul, mais le son, man. Le son, là, c'était fort, fort. Là. Puis il y avait comme un ressac, on dirait, littéralement. Là, je me rappelle de Death Metal. Là, on était comme attiré vers les speakers. Là, c'est comme. J'ai jamais vu ça dans d'autres shows. C'était vraiment comme si toutes les têtes s'en allaient, là, paf, direct là, le corps suivait. Là. C'était l'effet que j'avais eu là, au show. C'est le son, pas d'autre explication. Quand tu écoutes le record à l'époque, là, le son il était. Puis en spectacle, c'était multiplié. Là, il y a ce drummer qui était pourri, là, mais le son, là, t'as, pendant que ça sonnait, là, ben, tu sais, World War III, je suis content d'avoir été là, tu sais. Vraiment content d'avoir été là. Je savais que c'était gros à l'époque. Là, Possess, c'était incroyablement fort. Et puis, la réaction du monde qui connaissait pas, comme je te dis, nous autres, on connaissait l'album, mais pour la plupart des gens, c'était leur premier contact avec Possess, et puis tout le monde avait l'air stupéfait de ce qui se passait. Il avait trouvé stupéfait aussi. Écoute, c'était jamais entendu, jamais vu, jamais entendu. Puis finalement, on a fini par faire une tournée avec Possess. Notre première tournée européenne, c'était avec Possess en 86. Puis c'était mouvementé à chaque spectacle avec eux autres. Il y a eu plusieurs émeutes en Allemagne. Puis c'était un band qui était vraiment, vraiment intense. Dead or back from the grave, the king was sucked up for life. Les Allemands de Destruction inquiètent quelque peu les organisateurs par leur ingurgitation constante d'alcool, ne sachant pas s'ils allaient être capables de monter sur scène et d'exécuter la plupart des titres sur leur récent album Infernal Overkill, paru 6 mois avant. Depuis, le batteur Tommy, qui ne parle aucun mot d'anglais, s'opère sur la rue Sainte-Catherine pendant une nuit entière. La performance, ou la contre-performance de Destruction, laissera des marques dans la mémoire de certains observateurs, dont Alain Lefebvre de Outrage, et aussi directeur de programmation et animateur à C'est Fou, la radio de l'UQTR à Trois-Rivières. Celtic Frost World War III aussi qui avait donné un très bon show, vraiment très bon. Par contre, Destruction, c'était vraiment mauvais, très très mauvais. Autant au niveau du son que de la performance d'un musicien. Écoute, il avait l'air complètement sous, je suis sûr qu'il était complètement sous. Et puis, le guitariste avait de la misère à appuyer sur sa pédale de distorsion. Ce qui fait qu'il part le show, puis là, il n'y a pas de distorsion, puis là, il est là, il titube en essayant de peser sa pédale. C'était ridicule. Puis tu sais qu'à cause de ce show-là, j'ai plus jamais été capable d'apprécier Destruction. Jamais. Ah oh, ouais. Je suppose qu'ils se sont améliorés depuis. Je suis même pas prêt à leur laisser d'autres chances. C'était tellement mauvais. C'était incroyable. Yeah. transformation. De Destruction avec Bestial Invasion, pièce maîtresse de leur album Infernal Overkill, paru en le 24 mai 1985, soit 6 mois avant la tenue du festival World War III. Dans sa biographie intitulée Are You Morbid? Into the Pandemonium Celtic Frost, Tom Warrior fait état du World War III comme un point tournant de leur carrière, alors que cette première apparition est seulement leur quatrième concert officiel. Il en sera de même pour leur gérant Andy Sigrist, qui en fera mention honorable lui-même 25 ans plus tard. Le concert de Celtic Frost est considéré, d'après les mémoires, comme un des meilleurs du festival, et la dynamique percussive particulière de Reed Sandmark à la batterie comme un des éléments les plus fracassants. To Megatherion n'a que 6 semaines lorsque le trio s'amène d'outre-mer sous la bienveillance de Johnny Hart des productions Metal Co., correspondant régulier d'Andy Sigrist. On s'est aperçu de ça après ça avec Maurice. On est allé au palais du commerce. Puis l'équipe de sécurité était vraiment pourrie. Ils n'étaient pas habitués à y avoir des trashers. Ils ont paniqué parce que le gars se bousculait. L'esprit du nez, boy, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais c'est... Après ça, non, c'est sûr, écoute, des anecdotes, on pourrait avoir plein. Reed Larson, le drummer de Celtic Frost, qui était qui avait passé son set de drum pour l'occasion, pour ne pas amener le set de drum dans l'avion, ça aurait coûté trop cher. Fait que les gars d'Aggression avaient été assez gentils pour passer leur équipement à Destruction puis Celtic Frost. Puis Reed Larson, il drumait quasiment avec des battes de baseball sur le drum. Il dit, je m'en vais casser le drum, c'est un vieux drum, blablabla. Ouais, mais c'est ça que t'as là, mon homme. Tu peux pas être tortonné un peu quelque part, prendre des bâtons plus petits. Ouais. Fait que c'était... Mais Reed, il était bien comique, mais c'était une méthode des choses qui étaient drôles, là. Fait que non, ça avait été... non, on a eu bien de fun, tout le monde s'est bien entendu. Après, Celtic Frost est resté pour la semaine, mais ils ont joué aux moustaches. Puis, comme Celtic Frost, c'est la première fois qu'il venait en Amérique du Nord. Quand je suis venu à Montréal, Carol Jones, pour eux, c'était toute une expérience. Il était Puis ouais. Demain, il avait pas vu New York, les autres. La pièce de Celtic Frost qu'on a entendue, c'était The Usurper qui ouvre l'album To Megatherion, paru le 27 octobre 1985. Une des performances les plus dignes de ce festival World War III. Semble-t-il qu'on a le temps d'aller en pause. Alors, après la pause, nous aurons le Maurice Richard, le gérant de Voivode, et Denis Snake Bélanger qui vont nous partager leurs souvenirs de la pyrotechnie spécifique pour cette fameuse soirée du 30 novembre. C'est un plaisir d'être ici au nouvel emplacement de la cage au sport sur le rugby. Tout comme celle du Vieux-Montréal, vous pouvez y déguster une généreuse portion de côte levée et poulet avec des amis comme Larry Robinson. Laisse-moi les rondelles, l'oignon. Bien sûr, Larry, c'est une des spécialités de la cage au sport. Bon appétit. Merci, Pierre, et bon appétit. La cage au sport, maintenant avec deux emplacements, dans le Vieux-Montréal et Rugy, au sud de Sherbrooke. Si vous avez été un fan de Voivode du début, vous savez que Voivode avait de la pyrotechnie. Sauf que ce que vous savez pas, par exemple, c'est la pyrotechnie la plus aux mains qu'on pouvait pas faire. Ça, c'était Blackie le terroriste qui était en arrière de ça. Parce qu'évidemment qu'on n'avait pas des budgets à la Kiss pour la pyrotechnie, nous autres. Là. Il en avait mis de la poudre. C'était le World War III. Il en avait mis. Puis quand ça l'a sauté, là, ça a sauté. Il y a eu les gens qui étaient en avant de la scène, là, ils ont eu la face leur a chauffé à ce moment-là. Puis moi, le souvenir que j'ai, c'est que le show est fini. Parce qu'on est au... Fait que ça, c'est... Voivode finissait la soirée. Fait qu'on... Mettons, World War... la Nuclear War, c'est au milieu du show. Bon, Voivode finit son set, tout ça. On est à la fin de la soirée. Les lumières sont allumées dans le Palais du Commerce. Puis j'ai un souvenir, là, j'étais avec... Je parle avec Martine, mon amie, puis une de ses amies qui est venue voir. Puis on voit encore des particules de poudre qui tombent du plafond. Là, ça fait quoi? Ça fait-tu une demi-heure, 45 minutes, une heure que le show est fini, là? Puis là, je l'ai réalisé parce que les lumières étaient toutes allumées. C'était full néon. Puis à un moment donné, j'ai buzzé là-dessus. Il y avait comme un petit nuage de poussière qui descendait du plafond. Puis ça, c'était à cause de l'explosion qu'il y avait eu. Il y a peut-être une heure de ça, là, quand le show était fini, la salle était vidée. Puis que... Fait que tout ça pour dire qu'au World War III, là, ceux qui étaient là, c'était probablement la plus grosse explosion de Voivode pour le Nuclear War. En tour de Nuclear War, je me suis reculé un peu juste avant le ouais. Parce que je voulais me centrer, je me rappelle. Puis j'ai dit Chris, j'aurais dû rester en avant parce que je chantais comme un coup de soleil. Ça a fait. Tu sais, le feu là, j'ai senti sur ma peau là, comme irradié. Tu sais. Puis tout le monde l'a senti derrière, puis le stage a fait. Le souffle que ça a donné. Non, ça a donné un coup là. Bam! Puis là, les tuiles au plafond, patelard que ça a débarqué, man. Puis il était haut le plafond. Mais les tuiles ont fondu. Feu manqué pogné dans la place. Le monde en avant, ils ont été blastés, man. T'as dit. C'était juste à la limite que ça soit too much. Que le feu pogne ou quelque chose. C'était l'extrême en esti. Ceux qui ont vu ça, là. Ils ont été crissés à terre. Maintenant, ils peuvent dire « J'étais là ». Ouais. J'ai vu le World War III. Yeah. rest. Warm inside the open shutter. Wait and feel your body skin. Why? Let's come in for love. Maurice Richard, avec l'aide de ses associés, gagnera son pari. Le festival est un succès et c'est la consécration pour Voivode. Le groupe mérite les éloges de la presse présente, entre autres des chroniqueurs venus de New York et d'un peu partout, comme Monty Connor de la WBMB College Radio, de Don Kay de la WBCR Radio College de Brooklyn, et aussi collaborateur avec Kerrang, Circus, Metal Mania et plusieurs autres, ainsi que Brian Taylor de l'émission Aggressive Rock de la station CKLN à Toronto, pour ne nommer que ceux-là. L'événement engendrera de nouvelles associations, d'autres festivals comme le No Speed Limit, un point d'entrée pour l'Amérique des tournées aux States et en Europe, et sera catalyseur de longues amitiés et porteur de souvenirs inoubliables. 30 années plus tard, l'événement est passé à l'histoire, le World War III est mythique.